Momo Wang on the beat. Angelo Basta. Movlare. La vie est un combat, je suis armé comme un soldat. On m'a souvent conseillé d'abandonner, mais je n'ai jamais baissé les bras. L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Quand tu tombes, relève-toi, essaye encore. Les gens vont raconter, ils vont parler, faut pas écouter. Décourager, faut pas essayer, abandonner n'est pas une option. Les gens vont raconter, ils vont parler, faut pas écouter. Décourager, faut pas essayer, abandonner n'est pas une option. Tes efforts vont donner envie aux autres d'avancer. Les gens vont se moquer, ça ne doit pas te décourager. Tes efforts vont donner envie aux autres d'avancer. Les gens vont se moquer, ça ne doit pas te décourager. Yébisson la vérité, Molare, je m'appelle. Quand je pense à mon passé, je vois plus les gens s'agiter. Tenter des faux coups pour m'empêcher de réaliser mes rêves. Papa et maman m'ont toujours béni, y'a Dieu dedans. Les gens vont raconter, ils vont parler, faut pas écouter. Décourager, faut pas essayer, abandonner n'est pas une option. Les gens vont raconter, ils vont parler, faut pas écouter. Décourager, faut pas essayer, abandonner n'est pas une option. Tes efforts vont donner envie aux autres d'avancer. Les gens vont se moquer, ça ne doit pas te décourager. Tes efforts vont donner envie aux autres d'avancer. Les gens vont se moquer, ça ne doit pas te décourager. Le game, déranger les rangers où je lave mes pompes. Il avait les habits comme un jeu de ping-pong. Ce que je me fais, je te fais, y'a quoi? J'ai tué le game, déranger les rangers où je lave mes pompes. Il avait les habits comme un jeu de ping-pong. Ce que tu me fais, je te fais, y'a quoi? Les gens vont raconter, ils vont parler, faut pas écouter. Décourager, faut pas essayer. Abandonner n'est pas une option. Tes efforts vont donner envie aux autres d'avancer. Les gens vont se moquer, ça ne doit pas te décourager. Tes efforts vont donner envie aux autres d'avancer. Les gens vont se moquer, ça ne doit pas te décourager. Mon larron m'a rendu, c'est quoi du monde, je m'en peine. Avec un gel, on va statuer le sang. Danser pour danser pour danser. Va te regarder ma bise en away. Mon larron m'a rendu, je m'appelle. Tout le monde danser pour danser le sang. Frappez là-bas, frappez à gauche. C'est pour te dire que la nuit ne dure pas longtemps, mais le jour finit par arriver. Demande à Franck et Franck et Kessier. Demande à Maxwell, Pony Angoué et Victorien. Maïka, Maïka, Habibé.